dans vos oreilles. 89. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants et de la Banque nationale. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Je vais vous parler des événements qui s'en viennent à l'UQTR. Moi, je vais vous parler de faits inutiles à savoir dans la chronique C'est un fait. Puis vous, ben, vous allez écouter parce que sinon... Vous allez geler. Lundi 17 janvier 2011, bienvenue à Assemblage requis, émission matinale en pièces détachées. On est en direct des studios de CFO à Trois-Rivières. Moi, c'est Mathieu Plante. Moi, c'est François-Olivier. Salut, FO. Bonjour, Mathieu Plante. Est-ce que t'as passé une belle fin de semaine? Oui, oui, belle fin de semaine. Relativement tranquille de mon côté. Mais... Relax. Oui, oui, vraiment. Toi, Mathieu? Un peu de ménage. Moi, ben, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé chez, chez Ikea en fin de semaine. Ah! C'est la place pour les gars, hein. Ça, c'est, on a du plaisir, là. C'est grand, hein? Ah, c'est grand, c'est grand. Le dîner était très bon, aussi. Ouais. Ah, tu as déjà goûté aux boules de viande? Non, jamais, jamais. Ah, c'est bon. Hey, puis je pense qu'il y a en vente, mais en tout cas, je oui, en vente. Ça. Ouais, congelé? Ouais, ouais, ouais. En paquet, là. Ouais, tu t'en as acheté? Ouais, ouais. Ouais, il y a des desserts à vendre aussi. Tout ce qu'ils font, la petite sauce et tout, c'est vraiment fun. OK. Super. Beau petit moment, ça. Un beau dimanche à marcher. À marcher dans le grand magasin. C'est ça mon plein air, moi. Immense. Mm-hmm. C'est immense pour y avoir déjà été, là. Ouais. C'était, je pense, juste ma deuxième fois. Je suis pas allé là souvent. OK. Et puis, t'as fait des achats ou... Ah, pas grand-chose. Sérieusement, tout ce qu'on voulait acheter, il y en avait pas. Donc, on est revenu avec un panier plein de choses pas chères. Mais bon, ça fait une journée qui coûte pas si cher que ça, c'est bien. Ah oui, ben oui, certainement. Ça pète pas le budget, mettons. Non, pas se poser en tout cas. Un miroir, puis un panier, puis okay. Une brosse à toilette. C'est pas une brosse à toilette? Ouais, ouais, une brosse à toilette. Ouais, je sais pas, il y avait ça, c'est le fun. Ouais. Es-tu belle? Ben, pas particulièrement. Là. Ça ressemble à une brosse de toilette. Là. Ouais, c'est ça. J'imagine que ça peut être difficilement beau. Toi, c'est beau qu'une toilette, hein? Ouais. Tu sais. Et sinon, à part ça? Pas grand-chose. C'est ça. Ce qui est le fun, c'est qu'aller à Boucherville, au Ikea, le dimanche, je veux dire que tout ce que tu ferais le dimanche, genre l'épicerie, ben faut que tu le fasses le samedi soir. Fait que ça fait une fin de semaine où le temps pour relaxer, il était pas tant là, tu sais. Ouais. Mais bon, pas grave, ça, on aime ça. Ouais. Semaine prochaine, il y en a d'autres, des fins de semaine dans la vie. Ben oui, certainement. Hey Mathieu, tu me fais penser à ça. En fait, j'ai écouté Millennium. Les films, en fait... Basé sur les livres. Oui, c'est ça. Est-ce que tu les as lus ou vus? Non, rien de tout ça. Écoute, je te fais une petite critique rapidement. Là. Okay. En fait, les films là, sont pas sensationnels. À mon avis, à moi, là, personnellement, je connais en fait plein de monde qui m'ont dit « Ah, c'est excellent, tu vas voir, c'est vraiment des très bons films. » Mais malheureusement, non. Non, en fait, j'ai vraiment été déçu de ça. Par contre, les gens qui ont lu le livre m'ont dit que le livre est excellent. Donc, j'imagine, en fait, souvent, les livres sont meilleurs que les films. Mmh. Peut-être que le film est meilleur si t'as lu les livres. Je sais pas. Ben, je sais pas. Je sais pas. En fait, j'ai été vraiment déçu. Je trouve que ça tire beaucoup sur les films américains où ce que... tu sais, ça finit toujours bien. Puis ouais. On c'est, sait un peu... C'est des films français? C'est suédois, si je me trompe pas, ouais. Comme Ikea. Comme Ikea, exactement. C'est d'où le lien d'en parler. Mais les jouets de ces films-là, en fait, là, c'est vraiment... En fait, ça se passe ailleurs. Ça se passe vraiment, c'est ça, en Suède. Donc, les places, en fait, ça dit rien. Le visuel est différent, en fait, de ce qu'on voit habituellement. Donc. Non, mais... ça vaut la peine peut-être d'aller louer si... Est-ce que tu les as tous vus? Il y en a combien à date? Non, il y en a trois. Okay. Il y en a trois. J'avais loué les trois. Le premier, je l'ai vu. Le deuxième, je l'ai pas tout écouté. Puis le troisième, je l'ai même pas. La preuve que j'ai pas accroché ça tant que ça. Ouais. C'est triste. Ouais. Mais ça pourrait être plus grave que ça. Ouais. Écoute, regarde-le puis tu m'en reparles. OK. Des fois, là, tu sais, c'est peut-être moi aussi. Ça dépend. Tu sais, un film, c'est bien subjectif. Ça dépend, en fait, ce que tu vis aussi. Donc, exactement. Bon, ben, on va commencer l'émission ici. On a plein d'autres choses pour vous. Des choses pour vous plus tard. On a une chronique, c'est un fait qui s'en vient évidemment avec des choses à raconter. Peut-être à la place de regarder un film joue devant vous. Si t'es trop plate, tu racontes des faits à ta copine. Ça pourrait être intéressant. Quel t'as dit, arrête, laisse-moi Mais sérieusement, d'habitude, c'est filles qui font ça, genre, hey, pourquoi tu me parles pendant que je suis en train d'écouter mon émission? Moi, c'est moi qui fais ça. C'est tellement moi, ça me déconcentre tellement quand ma blonde essaie de me parler. Ah ouais, t'es sérieux? Ah ouais, gars, j'écoute une émission, laisse-moi l'écouter, tu me parles pendant les pubs. Ah bon. Ouais. Ben, qui servent à quoi ces pubs-là? C'est certainement pas pour me vendre des produits parce que je suis pas un public ouvert à la publicité tant que ça. Ouais. Ah, Mathieu. Ouais. C'est ton côté féminin. Ben, c'est ça. Faut tous en avoir un. Ah, pas chouette. Donc, c'est un fait. Aussi, on va parler des choses qui vont se passer à l'UQTR pendant la semaine qui débute aujourd'hui. Hein? Oui, tout à fait, un peu plus tard dans l'émission. Mais pour l'instant, on écoute Vanessa Parieter. Voici Comme une étoile dans l'océan au 89 FM. C'est fou dans vos oreilles. Ah, petit piano, attention. T'es si tendre ce matin, Mathieu. Ah, merci, comme une barre. Comme une barre? Comme un bon steak à prêter. Moi, une barre tendre. T'es pas si tendre que ça. Faut pas charrier. C'est quoi la pièce? Comme une étoile dans l'océan. Diamond Rings, c'est la pièce Something Else à Assemblage Requis, votre émission matinale en pièces détachées. Petit morceau, là, par-dessus l'autre. Bing, bing, bing, bing. Pyramide, tu peux faire la forme que tu veux avec ces morceaux-là. Pong, pong. Pong, pong. Ping, ping, pong. Ping, ping, pong, pong. Ça me rappelle un fait que je vais faire, c'est un fait tantôt. Oh, un ping, fait pong. Sur ping, pong. Ouais. Ah ouais. T'es-tu bon à ça? C'est quoi? C'était bon à ça? Si je suis bon à ça, moi, être bon à quelque chose de manuel, non. Non? Non. Ah. Crème, moi, je suis bon. À la move, le ping-pong, c'est pas si pire quand même. Je suis pas si pire à ça. Ouais. Mais dans la vraie vie, là, de vraie balle avec la vraie direction puis la vraie, le vrai poignet, non. Non, non, non, ça fonctionne pas. Non. Hey, on dit-tu bonjour à Mme Roxane Gagnon? Bonjour, Mme Roxane Gagnon. Qui nous écoute. Roquine. Hein? Roquine. Oui, Roquine. Ben oui, vu qu'elle écoute l'assemblage Roquine. Certainement. Et animatrice aussi, ici même, assez fou. De l'émission On se la joue. On se la joue. C'est diffusé les, le jour, là, avec le, dans la journée, là. Ok. Du, c'est le. Je sais pas c'est quand. Écoute pas ça. Je suis pas capable. De quoi t'es pas capable? Je suis pas capable d'écouter cette émission-là. C'est plutôt insupportable. Non, c'est rendu. Pas vrai, c'est super bon en fait. C'est... Écoutez ça. Ça a déménagé mardi. Les mardis à 18h. Ouais. C'est plus tard que c'était et ça rejoue les. C'est tellement bon qu'on les fait rejouer. Exactement. C'est les lundis tout à l'heure à 15h que ça rejoue. Écoutez ça, écoutez ça. Donc, ceci dit, écoute, Mathieu, je vais te parler de ce qui s'en vient ici même à l'UQTR. S'il te plaît. Oui, certainement. Écoute, on commence ça ce soir même du côté de la Chasse-Galerie à 19h30. Et c'est un match très spécial où des joueurs de chaque association partagent la glace avec des joueurs de la Luître. Donc, en fait, c'est ça, c'est de l'improvisation dans le cadre du carnaval étudiant. Et voilà, c'est à ne pas manquer. Et c'est à 19h30 ici même à la Chasse-Galerie. Pour ceux qui aiment rire... Ben oui. Ben oui non, non, c'est super bon. J'ai déjà assisté une fois à un match. Et moi aussi. Oui, oui, c'est vraiment plaisant. Ça fait changement. En fait moi, j'étais pas habitué non plus à regarder ça, là, l'improvisation. Puis j'étais agréablement surpris. Je dirais que c'est rafraîchissant. Oui, tout à fait. C'est le bon terme. C'est exactement le bon terme. Écoute, je te parle demain aussi, le 18 janvier, conférence sur l'éco-hôtel de Virevert qui va ouvrir au centre-ville à Trois-Rivières sur la rue Notre-Dame. Est-ce que tu sais c'est quoi l'école-hôtel? Non. Non, de Virevert. En fait, Virevert, c'est ça, c'est un organisme à but non lucratif. L'école-hôtel, ça va être, ça le dit en fait, ça va être un peu une école-hôtel pour des jeunes. Ça peut être toutes disciplines confondues, en fait. Des gens d'administration, des gens du secteur, en fait, là, communautaire, les artistes aussi, parce que toutes les chambres vont être designées par des artistes du coin. Okay. Il va y avoir des thématiques, ces trucs-là. On avait reçu quelqu'un pour nous en parler de ça, ça nous dit quelque chose. On avait parlé avec, je crois, Alexandre Gauthier ou quelqu'un. Ça se peut, oui, oui, sûrement Alexandre Gauthier qui doit connaître le dossier. Donc, en fait, ça va se dérouler au local 18-16 au pavillon de la santé. C'est à 13h demain et c'est gratuit. Donc, ils vont parler... en fait, ça va être une conférence qui va parler vraiment du projet l'école-hôtel de Virevert. Donc, ça peut être fort agréable. Pour ceux qui veulent s'impliquer dans un tel projet, c'est unique au Canada, d'ailleurs. Et puis, je pense que ça peut mettre Trois-Rivières sur la map là, dans le domaine communautaire, là, en fait, avec un tel projet. Donc, voilà. Donc, mardi aussi, on va découvrir la jeune chambre de commerce de la Mauricie. Ça, c'est à 17h, c'est ici même à la Chasse-Galerie encore. Donc, c'est le jeu à UQTR en partenariat avec l'UQTR et la Jeune Chambre de commerce qui vous invite à un 5 à 7 qui se tiendra ici même à la Chasse-Galerie. En fait, l'importance de participer à une telle activité qui pourrait d'ailleurs vous ouvrir des portes au nouveau sur le monde professionnel et à l'engagement entrepreneurial. Donc, ça peut être très bien pour les gens qui s'intéressent. Des contacts, c'est très, très bon dans la vie. Donc, d'ailleurs, dans le même ordre d'idée, oui. Séance d'information sur le démarrage d'entreprise. Mais ça, par contre, ça se déroule le mercredi de 13h à 14h au local 1200 Pavillon Albert-Tessier. C'est gratuit encore. Donc, ça va être un représentant de la commission scolaire qui viendra parler de l'attestation de spécialisation professionnelle en lancement d'une entreprise. Formation adaptée pour ceux et celles qui veulent démarrer une entreprise. Si vous avez des fois un projet d'affaires, tu sais, même une petite idée, là, des fois, là, souvent, en fait, les gens qui ont les meilleures idées, ils n'ont pas de background en administration, en fait. C'est ça, tout ce que ça prend, en fait, c'est une idée. Donc, ça peut être très intéressant pour les gens. Je répète, en fait, c'est au local 1200 Pavillon Albert-Tessier, c'est gratuit. Et ça se déroule de 13h à 14h. Encore mercredi 19 janvier, Party Back to 90s. Oh, Party années 90. Yes, sir. Les meilleures années, c'est 90. Mais quand, il y en a qui parlent des années 80, arrive en ville, le gré. On avait rien que 7 ans avant, c'est moins. Non, c'est ça. 90, au moins, on s'en rappelle. Ouais. Ça se déroule à 20h au Manchester Pool Pub. Ça coûte 2$. En fait, c'est pour, comme on l'a dit, en fait, là, les années 90. C'est l'Association des étudiants psycho de l'UQTR qui vous invite au seul party des années 90 en ville. Musique quétaine, ambiance survoltée, alcool pas cher et concours de chorégraphie sur votre chanson préférée. Ah non, des boy bands. Ah, exactement, oh. Exactement. Donc, il faut pas oublier non plus vos déguisements. Donc, on répète en fait sur Manchester, mercredi à 20h, ça coûte 2$. Partez 90, des années 90, amenez vos déguisements, bien important. Et puis, vous pouvez d'ailleurs même faire une chorégraphie sur votre chanson préférée. Hein, c'est pas beau, ça? Ah, filmez-la et envoyez-nous-la, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On va rire le matin, ça va nous mettre de bonne humeur. Quelle chanson top 3, Mathieu, mettons, un exemple, que t'avais pas le choix? Là. Mettons que j'avais pas le choix. T'as pas le choix, pas. Là, Mathieu. J'ai toujours bien aimé Backstreet's Back, là, tu sais, les Backstreet Boys. Backstreet's Back, all right! Ah ouais, ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. OK, OK. Ça, c'est ma préférée. Oh. Ou Men in Black, là. Men in Black. La chanson avec le film de Will Smith, ben oui, c'est sûr. C'est OK, moi, ben, je me rappelle qu'il y a une tune, mais je ne l'ai pas entendu. J'ai vraiment Backstreet's Back, là. C'est sûr que mes préférés seraient les Spice Girls, mais là, je ne peux pas vraiment danser là-dessus. Ben, écoute, déguisé. Ouais, non. Je veux regarder d'autres gens se déguiser. Hein? Par contre, regarder d'autres gens se déguisant en Spice Girls, ça, j'irais. Ouais. Mais moi-même, non, pas... non. Bon. Écoute, on... t'en sortiras pas si vite que ça. Quoi? Non. Hey, jeudi le 20 janvier, début des matchs d'Ultimate Frisbee de La Truffe. La Truffe qui doit être l'association trifluvienne de Trois... Non, de Trois-Rivières d'Ultimate Frisbee. Ah, OK. Ça se déroule en fait à 19h au centre Alphonse Desjardins, Trois-Rivières. Et c'est gratuit. Donc, ça peut être bien plaisant pour ceux à regarder même. Je pense qu'on peut même s'inscrire. Donc, et puis, le tout est récréatif. Donc, pas vraiment de compétition. Mm-hmm. Oui, et puis jeudi, en fait, UQTR en spectacle, date limite pour les inscriptions. C'est sur le site en fait internet de l'UQTR en spectacle. Donc, vous avez jusqu'au 20 janvier pour vous inscrire. Donc, inscrivez-vous. C'est important. Merci, François. Merci, Mathieu. Allez, les marchands. Plan. Et les autres. Plan. Plan. Plan. Plan. Plan. Plan. Plan. Les marchands. Le marchand de rêves et de fantasmes, c'est toi. Ouais, déposez un peu d'argent en dessous de ma porte et puis vous aurez une surprise en Louvain. Oh, oh! OK. Imagine, t'ouvres la porte puis je suis le même. Ah, tu me fais des signes pas très gentils, là. Non, mais t'aurais pogné de quoi, là? Ouais, j'aurais pogné quelque chose. Quelque chose que t'aurais pas aimé que je prenne. Bon. Vous êtes à Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées, jusqu'à 9h avec François-Yves Marchand et Mathieu Plante. 7h34 en ce moment même. Tout à l'heure, des faits. Dans C'est un fait. Pas vérifiable et véridique. Ben, véritable. Véritable. Aussi les trois V. V, V, V. Ah, va-va-voum. Va-va-voum. Qui disait ça? C'était-tu Fred Caillou? Peut-être. Va-va-voum. Je sais qu'il y a Vroom Vroom Vroom. Là. Ça, c'est une compagnie de voitures quelconque. Ouais, non, c'est pas ça. Mais va-va-voum, c'est vraiment, en tout cas... Ben, c'est le fun. Je pense que c'est Fred Caillou. Frère Goyette. Yeah! Soi, la baie dans mon camp. C'est bon aussi. Je sais. Pourquoi tu penses qu'on la joue? Hey, fait frette, habillez-vous chaud. Ben oui. Ah! Ah, chaud. Ou restez en dedans. Ou en sortez pas, ben si vous avez l'option de pas sortir. Si vous êtes capable. C'est rare, ça. Un gun sur la tempe, vive sous la détente. Les mains dans les airs. Ça crie à tue-tête et j'acquiesce à leur requête, leur remet mon maigre butin. Une mince pile de vin. Essuyez-vous avec mon drapeau blanc. Mon tiroir caisse. Je fus dans la mire. J'ai pensé près de venir la une dans la gazette.

Un de nos classiques ici à Assemblage Requis, c'est Yes et Eux avec Mandagreen. C'est sur l'album Hot Blood. Ça n'est pas. Ah, merci. En unisson, je trouvais ça particulièrement déplaisant, mais bon. Oui, très bonne. Tu fais tes vocalises ce matin? Oui. Fais attention, le froid peut altérer tes cordes vocales. Ah oui. Tu connais ça? Oui. Oui. Ouais. Fais attention. Crac! Crac! Je suis mort. Donc, Yes et Eux, Assemblage Requis, c'est ce que ça voulait dire. C'était excellent. On arrête de niaiser. C'est fini. Non, en fait, on recommence à niaiser. Ah ouais? On niaise toujours, en fait, nous. Pas toujours. Mais dans la chronique, c'est un fait, par contre. Yeah! Yeah! Fait qu'on va niaiser encore plus en partant notre dactylo. Ring, ding, ding, ding. En fait, j'ai aucune idée pourquoi la musique de cet un fait, c'est une dactylo. Je le sais pas du tout, mais ça donne comme ça. Les faits sont tous écrits sur des feuilles de papier et dactylographiés. Exact. Que Mathieu apporte chaque matin. Ça vient de livres d'histoire, c'est ça, dans des caisses que j'ai trouvées dans le sous-sol là, de quelqu'un, sûrement. Donc, commençons avec une femme britannique qui a appelé la police dans le bon vieux temps pour dire que son bonhomme de neige avait été volé. Hein? C'est vrai. C'est une femme qui dans le fond, était... Elle a un petit problème, probablement, mais était stressée à cause du vol parce que sa création, dessus, il y avait des pièces d'argent pour les yeux du bonhomme de neige et des cuillères à table comme bras. La police a dit que l'appel était très, très irresponsable parce que ça aurait pu empêcher un vrai appel d'urgence de passer sur les lignes du 999, qui est le 911 là-bas, le 999. C'est où? Pas mal plus facile à composer. C'était en Grande-Bretagne. Okay. Par contre, la police n'a pas poursuivi la fille ou rien fait par rapport à ça parce que c'était pas une blague son appel. Elle croyait vraiment que c'était vraiment une urgence, que son bonhomme de neige avait été volé. Eh bien, toute une urgence. Une autre femme a fait une réplique de la peinture de Leonardo da Vinci, The Last Supper. Tu sais, il y a Jésus avec ses apôtres là autour de la table en train de manger. Là, tu connais cette toile-là? Oui. Un peu. Donc, avec de la mousse de sécheuse. C'est vrai. C'est Laura Bell du Michigan qui a passé 7 mois à recréer cette toile de 14 pieds de long par 4 pieds de haut. Pour réussir à avoir les bonnes couleurs de mousse, donc Belle a lavé des serviettes couleur spécifique qu'elle voulait. Et ensuite, laver et sécher chaque couleur séparément. Ça a pris 800 heures de lavage pour produire assez de mousse pour le projet. Et elle a passé 200 autres heures à rassembler les couleurs ensemble. Cette toile-là. Tu la vois. A été vendu à Ripley's Believe It or Not, là, ceux qui font les livres et les émissions de télé sur des choses dures à croire. C'est la plus grosse œuvre, si on veut. La plus grosse œuvre. La plus grosse œuvre. Ouais, c'est ça. Jamais produite avec de la mousse de sécheuse, évidemment. Ils n'ont pas dit quel prix qu'ils l'avaient vendu? Non. Non. Ça dit pas. C'est intriguant, c'est pas beau. C'est pas beau du tout. Non, c'est vraiment pas beau. T'as raison là-dessus. Je peux rien dire d'autre que c'est pas beau du tout. Ben non. Quelques petits faits rapides. Tu te rappelles, la semaine passée, je t'ai parlé du fait que le pain contenait 35% d'eau. Ça, tu t'en rappelles, j'imagine. Ouais. Bon. D'autres faits sur le pain. Le morceau de pain le plus vieux au monde connu, évidemment, il date de 12 000 ans. Un pain vieux de 12 000 ans. Un pain vieux de 12 000 ans. Apparemment, impressionnant. Il est pas décomposé. Je sais pas trop, là. Ah ouais, peut-être dans un contenant, hein? Je sais pas, peut-être qu'il est décomposé, je sais pas. Mais s'il existe encore, normalement, un pain après 12 000 ans, il serait... Ou congelé. Peut-être congelé, peut-être, mais... bien sûr. Sais-tu que les Américains mangent environ 45 milliards de sandwichs par année? 45 milliards? Milliards! Les Américains? Les Américains. 45 milliards! Juste aux États-Unis. C'est énorme, oui. énorme. Je sais pas s'ils comptent les hamburgers comme étant des sandwichs, parce que tu sais, des fois, ça compte. Bonne question. Très bonne question. Ouais. Si McDonald's pèse dans la balance, on ne le saura jamais. Les Falcons d'Atlanta, tu connais cette équipe-là de Ribouldingue, là, c'est ça, football. En 1965, c'est là qu'ils ont eu leur nom. Devine, c'était à cause de quoi, encore? C'est pas mal tout le temps ça. Un concours. Ah ouais? Un concours, oui. D'autres noms potentiels. Il y avait les Peaches, ça a été vraiment viril. Les Pêches. Les Pêches, bien sûr. Les Vibrants. OK. Les Confederates et les Fireballs. Fireballs. Testicules de feu, j'aime ça. C'est particulièrement... Ouais, au football, ça aurait bien... Ouais. vraiment. Le logo, ouais. Deux couilles en feu. C'est exactement ça. Les deux premières marques de gomme de Wrigley's s'appelaient Lotta et Vassar. Ah. Wrigley's qui ont Juicy Fruit. Oui, Juicy Fruit. Exactement, exactement. Tu connais ta gomme? Ben, OK. OK. Les fondateurs d'Atari voulaient appeler leur compagnie Syzygy. S-Y-Z-Y-G-Y-Syzygy. Hein? Au lieu d'Atari, mais leur nom était déjà utilisé. Ah ouais? Il y avait déjà une compagnie qui s'appelle même. Atari est un terme qui vient du jeu de société Go. Je connais pas. Moi non plus. Donc Atari aurait pu s'appeler Syzygy. Syzygy. Un des premiers noms pour le ping-pong, c'était Whiff Waff. Comment? Riff? Whiff Waff. Whiff. Avec des W. W-I-F-F. Whiff Waff. W-A-F-F après. Whiff Waff. Ah. Ping, ping, whiff, waff, wow. Whiff, waff. C'est ping-pong, ça a comme ping-pong. Ouais. Ça a du sens quand on se frappe une base. Mm. C'est à peu près le son que ça fait, ça, non? Exact. La balle molle, au début, s'appelait le kitten ball. La balle molle. Le kitten ball? Comme un petit minet, là, un petit chaton. Ouais. Kitten ball. Le nom softball a été inventé en 1926 par Walter Hackinson du YMCA de Denver. YMCA, c'est un gym, si je me rappelle bien. Denver YMCA, il me semble. Donc, softball, balle molle, au lieu de kitten ball. Frapper des minous, là, c'est jamais gentil, ça. Jamais gentil. Non. Savais-tu qu'un un garçon chinois est né avec 11 doigts et orteils en trop? 11! 11! François, non? C'est, ben, ça ouais. T'impressionne pas tant que ça? 11. Ben... 11 de plus, là, ça veut dire que t'en as, au lieu d'en avoir... 11 de plus. Au lieu d'en avoir 20, t'en as... 31 en tout, doigts et orteils. C'est Li Hian Jian Peng, âgé de 6 ans en ce moment, est né avec 15 doigts et 16 orteils, 7 doigts sur sa main gauche, 8 sur sa main droite et 8 orteils par pied. C'est beaucoup. Récemment, y a-t-il des photos? Oui, il y a une photo sur l'article. Récemment, il a passé 5 heures en chirurgie pour faire enlever ses doigts et orteils en trop. Ce qui est bien heureux pour lui parce que les enfants à l'école le traitaient de monstre, évidemment, hein, quand même. Par contre, Lee est très très excité de pouvoir mettre ses pieds dans des paires de souliers normales. Maintenant. Moi, je trouvais ça cool, par exemple. Je trouve ça vraiment cool. C'est un fait comme original. Je trouve ça, t'sais, différent. C'est bien. Spécial, hein? Très spécial. Mais c'est ça. Peut-être que les souliers, c'est pas ce qu'il y a de plus évident à acheter avec ça. Exact. Non, non, non. Non. Oh, non, non, non, non. Non, non, non, non. Une paire de jumeaux du Michigan ont donné naissance, une paire de jumelles, hein? Évidemment, ont donné naissance, hein, parce que là, on s'entend que. À 15 minutes, l'une de l'autre. D'intervalle, c'est ça. Donc, les maris respectifs des jumelles Allison Oliverio et Amy Gilbert, évidemment, ils ont pris le nom de leur mari, hein. Disent les maris donc de ces jumelles-là disent que ces femmes-là font tout ensemble et apparemment même donner naissance à un enfant. 25 ans après la naissance de ces jumelles-là, dans le fond les mères là, qui sont nées à une heure d'intervalle, Amy et Allison ont donné naissance à un enfant dans deux chambres, ben chacun un enfant dans deux chambres d'hôpital adjacentes. En 15 minutes, c'est 15 minutes, le quart d'une heure, c'est ça? Ouais. Wow, 15 minutes, ça, c'est vraiment, vraiment, ouais. Amy a eu un garçon qui s'appelle Garrett et Allison une fille qui s'appelle Claire, voilà. Donc, ils n'ont pas eu le même sexe. Fait qu'ils font pas toutes pareilles, là. Ils font pas toutes pareilles. Mais c'est spécial, il y a des histoires comme ça avec des frères jumeaux. Et puis, il y en a un qui a un accident à l'autre bout du pays, l'autre, il y a des bleus qui apparaissent finalement. C'est vraiment particulier, c'est la relation qu'ils ont. Eh oui. Ah, j'ai pas mon timer. Je sais même pas combien de temps bing, ça fait. Bing, bing, combien de temps bing. Ça fait? Je fais ben, ça, moi, c'est quand éclair. Non, non, ça fait pas long. Pas long? Bon, on continue de parler. De commencer. Pokémon, ouais, c'est ça, me semble. Pokémon, tu connais? Pokémon, gotta catch 'em all. Ah, je connais pas tout, mais je connais les Pokémon. Attrapez les tous. Non? Non. En France. Donc, Pokémon a débuté en tant que jeu sur Game Boy qui s'appelait Pocket Monsters. D'accord? Le nom Pokémon... C'est né comme ça, Pokémon? C'était un jeu, c'est un jeu sur le Game Boy? Ça a été un jeu sur le Game Boy en premier. Donc, le nom Pokémon, c'est une contraction de la traduction japonaise du nom Poketomonsuta. Hein? Le jeu est sorti en février 1996 après 6 ans de développement par Satoshi Tajiri et sa compagnie Game Freak Inc., une compagnie de Nintendo. Nintendo n'aimait pas tellement le jeu au début, mais sa popularité a grandi avec le temps. Via le bouche à l'oreille, oui. Le jeu est devenu un si grand succès qu'en 1999, une série télé animée a été proposée. Tajiri a dit qu'au début, il hésitait parce qu'il croyait que l'émission endommagerait le succès du jeu. Les scripteurs de l'émission ont été forcés à jouer plusieurs parties de Pokémon avant de travailler sur la série pour que l'expérience du jeu et de la série soit similaire. Ce qui est pas très surprenant, c'est que l'émission a été un succès elle aussi. Et bon, évidemment, il y a toute une lignée de produits dérivés, des films, des cartes à jouer et d'autres marchandises. Mais ça a commencé comme jeu sur Game Boy. Ah, impressionnant. Eh ben. On va terminer avec celui-là. Tiens, t'as sûrement entendu parler du 13e signe du Zodiac sur Facebook ou ailleurs. C'est toi qui m'en as parlé. Ah ben, Colin, hein? Moi, la semaine dernière, c'est toi qui m'en as parlé. Un si grand fan du Zodiac et de l'horoscope qui t'a parlé de ça, Mathieu Plante. Ben, il y a tout plein de choses qui sont dites par rapport à ça. Bon, le fait qu'il y a eu un 13e signe qui est ajouté, là, que tout le monde doit changer de signe parce qu'il pourrait intégrer celui-là, ils ont tassé les jours des autres. Là, c'était poisson, tu deviens ici, tu deviens ça. Toute la bullshit, finalement, tu sais. On nous dit qu'il n'y a pas vraiment de 13e signe du Zodiac et votre signe du Zodiac n'a pas changé. C'est une citation qui a été attribuée incorrectement au Minnesota Planetarium Society. Citation qui suggérait qu'il y avait un 13e signe du Zodiac, le Fuchsius ou encore Serpentaire en français, que j'ai entendu le mot Serpentaire. Serpentaire. Qui apparaît entre le Scorpion et le Sagittaire, qui ferait que tout le monde se tasserait... d'un mois, je sais pas trop quoi, par rapport aux Zodiacs, peu importe, je m'en fous. Mais vraiment, ce qui s'est passé, c'est que le Minneapolis Star Tribune a passé en entrevue un membre de la société qui a dit que le système du Zodiac était techniquement incorrect. Que les symboles du Zodiac sont tous nommés d'après des constellations qui peuvent être vues de la Terre. Par contre, pendant des milliers d'années récemment, les mille années les plus récentes, hein, genre, bref, plusieurs milliers d'années, on s'en fout de combien, mais quelques milliers d'années, mettons. Ouais. La Terre a comme changé d'axe, ou je sais pas trop quoi, bougé un peu, ce qui veut dire que l'année représentée par un signe du Zodiac n'est plus... Je connais rien à ça, mais c'est plus le meilleur moment pour voir la constellation correspondante, je sais pas trop quoi. Donc, quand les astrologistes disent que le soleil est en poisson, comment t'appelles ça, soleil en poisson, lune en... je sais pas quoi, là? Ascendant poisson, je sais pas, en fait. Bref, que ce serait pas vraiment en poisson à ce moment-là. On dit que c'est le cas depuis très longtemps et qu'on, dans le fond, personne n'a essayé de vraiment pousser ce calendrier du Zodiac-là pour le faire s'aligner avec la réalité astronomique. Donc, ça veut dire que t'as pas à changer de signe. Bref. Moi, j'avais lu ailleurs que t'avais seulement à changer de signe si t'étais né après 2009. Ouais, genre, c'est ça. C'est ça, exactement. Ben, c'est ce que tu m'avais dit. Mais apparemment que ça veut rien dire non plus puis que c'est juste pas vrai. C'est niaiseux. J'ai vu tellement d'émissions de télé, des émissions matinales qui doivent remplir de contenu. Je sais pas si ça dit quelque chose. Où tous les animateurs disaient leur ancien et leur nouveau signe et leur ancienne personnalité, leur nouvelle. Puis là, faisaient des petits commentaires drôles sur le fait qu'il fallait qu'ils changent leur personnalité. c'est de la merde. Bref, c'est ça. Le Zodiac aussi. Et la vie. Donc, bon. Voilà. On a dit des affaires, nous autres aussi des affaires insignifiantes. L'enfer. L'enfer, c'est nous autres, comme dirait la jupe de Julie Snyder. Oh, attaque-toi pas la jupe de Julie Snyder. Excuse-moi, je voulais pas. C'est collant. C'est collant, ça pourrait aller. Non, écoute, on pourrait en discuter, là, mais. Je sais pas. Toujours pas de timer. Là, ça fait-tu assez de temps? Oh, oui, c'est bon, on pense à autre chose. Je suis plus capable. Moi non plus. Je t'ai épuisé. Ouais. Arrête-moi ça. Je vais aller me coucher. Thank you. Il est de bonheur encore. Il est encore de bonheur. Je pense que si on retourne se coucher à cette heure-ci, ça va être comme si on avait juste pris une pause dans notre nuit. T'sais. Ouais, exactement. Bon, ben voilà pour cet un fait. Une autre chronique, tomorrow. Tomorrow. Parce que demain est un autre jour. Hein? Tout à fait. Mais pas meilleur. Peut-être. Peut-être. Sûrement, on en fait. On sait pas. Toutes les journées sont belles. De toute façon, en se levant, en se réveillant, avec Assemblage requis. Hein? Ben oui. C'est bien dit, non? Certainement. C'est un slogan de la mort, ça. Écoute, on pourrait le prendre. Ben oui. Je me rappelle déjà. On s'en va entendre Brandman 3000 avec l'excellente pièce You du palmarès anglophone de C'est fou. Et puis, on se retrouve, juste après. Attends un peu, là, je viens de regarder l'heure parce que tantôt, j'avais pas mon heure. Là, je l'ai, là, comme par miracle, venant directement d'en haut. C'est la fin de la première heure d'Assemblage requis. Oh oui, il y en a une deuxième tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a dans la deuxième heure, François-Olivier Marchand? Dans la deuxième heure... La musique? Ben, la musique, certainement. Des commentaires pertinents. Pertinents, tout à fait. Sur l'actualité altermondialiste. Tout à fait, Mathieu. Critiques sociales. T'as très bien cerné la deuxième heure. Ah, cerné, merci. Restez là. début dans vos oreilles. Assemblage requis est une présentation de la Banque nationale et du service aux étudiants de l'UQTR. Bon, retour sur la deuxième heure d'Assemblage requis, votre émission matinale en pièces détachées. On est le lundi 17 janvier. Lui, c'est François-Olivier Marchand. Merci. Fait plaisir. T'as-tu dit mon nom complet ou... François-Olivier Marchand? Ouais. Peut-être dit vite un peu. C'est ça, c'est ça. C'est mon nom. François-Olivier Marchand. C'est ça. C'est en plein ça. C'est quoi les noms que j'ai vus là, récemment, là, genre Catherine-Élisabeth ou des niaiseries de même, des noms tellement trop longs en ce moment. Puis c'est qui? Il y a un bébé genre né le 1er janvier, c'est dans le journal. Genre qui s'appelait Xavier, mais avec Y-E. Là. Hein? Non, je sais pas. Écoute, j'ai passé complètement à côté de ça. Ouais, c'est quelque chose. Les gens ont de l'imagination de plus en plus. Comment, Xavier, avec... Y, accent aigu à la fin. Ah ouais? Ouais, c'est un nom. C'est particulier. C'est particulièrement... C'est particulier. Un nom que j'avais pensé, en fait, je sais pas si ça existe, j'imagine, Elliot, mais H-E-L-L... Elliot. Je sais pas, c'est une idée, j'aime ça. Non, je sais pas si c'est j'aime pour les ça. Amateurs de métal, là. De métal, ben en effet. Ça s'appelle ton gars Elliot. Elliot. Oui. Ben c'est ça. Non, je cherchais des noms composés qui m'auraient. Mais il y a beaucoup, ces temps-ci, en fait, on peut voir qu'il y a beaucoup de noms relativement courts, comme, mettons. Victor, Edouard, il y a Léo. Il y a plein de petits noms courts. C'est vrai le contraire des noms comme, mettons, Marie-Pierre Baudet-Guillemette. Là, t'sais. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Ou Charles-Olivier. Ouais, mais Charles-Olivier, au moins, il y a c'est un beau, nom, hein? Y a combien de noms de famille? Un. Bon, ouais. Parle de ça. Ça, c'est bien. Ça, c'est prononçable, tu sais. Ah oui, certainement. Chaud. Ça se retient pas mal bien. Ça se retient très bien, même. Ben oui. Mathieu Plante aussi est un nom qui se retient très bien. Sophia Rose Bartoli Bjornsen. D'accord. Ah. Marie-Catherine Arsenault-Caron, bien sûr. Ouais. Mais c'est bizarre ça, les deux noms de famille. Ouais. Andrea Nasselin-Chrétien. OK, c'est trop long. Trop long. Ouais. Bon, oui, c'est bizarre. Petit éditorial, mais je pense que c'est pas un éditorial parce que tout le monde le sait, mais personne ne l'a dit, par exemple. Exactement. À part Mathieu Plante. Ouais, ben moi, je suis offusqué. Facilement. Ouais. Alors, on disait tantôt qu'on allait entendre Bradman 3000. On cesse le calvaire de nous entendre parler sur un sujet sans trop savoir où on s'en va. Voici la pièce. You. I'm not an actor. You can see the rhythm, lighting in the mission. Heart race, vacation as we stargazing. Taking in all that surrounds, baby, I ain't coming down. Feeling for a crucifix that softens any heart the hardest. Believing even Adam had his feeling in the garden. Believing dreams you had and fathom bliss within your reach. Stretch beyond imagination, learn the lessons they can teach. Without wings, we lift off, drift off and get lost. Only to find we're much closer than we first thought. Only to shine in the darkest of times. Harvest divine, plant seeds for future to find. In my heart, I'ma keep you in mind just to get by. Cause an image of you's enough to get high. J'ai de trouver la gagnante en fait du plus long nom que j'ai vu à date. Ok, t'es-tu prêt? Quoi donc? Camille Charlotte, Gilbert Lapointe. Oui, I have a big winner! C'est long, long, long, longtemps. Allez, on s'en va écouter Bad Astronaut. Oh! We lost it again. We could not locate its pride. We had not found its strength. In spite of endless search, in spite of every suspension, time and space. Your best, your worst. As you journey through the system, you define body and mind. par la Sonate, assemblage requis avec la pièce These Days. 89 FM, c'est fou. Très bonne pièce. Ça faisait longtemps, très très longtemps que j'avais pas entendu une telle pièce. Combien de temps exactement? Hey, je sais pas. Pour vrai, ça doit faire des années. En fait, c'est sûr que c'est l'année dernière, mais bon. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Ben, plein d'affaires que j'aurais pas. Hey, puis en parlant de très bonnes chansons, je pense que la prochaine va battre des records, c'est va ça? Va battre des records. Un peu comme Charlotte Camille. Oui, oui, exactement. Avec Perron, longueur de nom. Mais malgré que, vois-tu, je sais pas si Mathieu... en fait, là, pour les noms, là, si je reviens au nom. Oui, oui. Tu sais, dans le temps, en fait, on avait le nom, le prénom Joseph obligatoirement. Oui, oui, oui, c'est donc, vrai. Donc, tu l'as toi aussi. Oui. Donc, moi, ça serait... Écoute, moi aussi, là, je bats des records quand même. Là. C'est Joseph François... Olivier Charles Marchand, parce que j'ai un deuxième nom. Toi, ton deuxième nom, c'est quoi? J'ai pas de deuxième nom. Non? Deuxième prénom, j'ai moi? Pas ça. Ah. Ben, à moins que tu parles de, mettons, Joseph Serge Mathieu. Parce que Serge, c'est genre mon... Je sais pas si c'est parrain ou comment t'appelles ça. Ah ouais, t'es sûr? Ouais, ben, il va okay. avant, ça-là, non? OK, ben, je sais pas, là. Je sais pas l'ordre exactement. Je sais que Joseph est en premier. Ouais. Joseph Charles François Olivier. Ah, peut-être. Je sais pas. Faudrait demander à quelqu'un qui sait, mais je sais pas. J'ai toujours dit Joseph François Olivier Charles. Okay. Mais ça devient quand même relativement long. Ouais, En tout cas, moi j'ai tout signé en plante comme nom de famille. Tout signé en plante, c'est vrai. Ça compense pour le manque de deuxième prénom comme François Olivier. Ouais. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau et c'est bon. Je dis. Pour une première fois, en fait, je pense que je ne l'ai pas dit aujourd'hui encore. Stéphanie Gagné va être de retour la semaine prochaine la pour sa chronique. Pour sa chronique Ton plat favori et sa chronique de sortie Take Me Out. Donc, ça n'a pas lieu cette semaine, c'est la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, on va revoir Audrey Tremblay avec son journal Zone Campus. Ça, c'est vrai. Le sien. Donc, on va avoir une grosse émission lundi prochain. Cette semaine, pas tant. T'sais? Pas tant. Demain, par exemple, ben, à partir de demain, ça fait quand même des grosses émissions. Demain, on va recevoir Nicolas Goyette qui va nous parler du carnaval étudiant. Oui. On va aussi avoir Émilie Gauthier demain. Tout à fait, avec sa chronique. Plein air. Et puis, mercredi, on va recevoir Yann Martel du service aux étudiants qui va venir nous parler de la journée carrière. On va recevoir aussi Maxime Lemieux-Laramé. Monsieur Lemieux-Laramé, on va regarder si son bronzage est encore présent. Je crois pas. Et puis, jeudi, lui, ce jeudi-là, il est revenu à la normale la semaine passée déjà. Donc, Simon Fitzbé et François Landry. Exactement. Grosse semaine pour assemblage requis pendant la session d'hiver. Donc, soyez avec nous du lundi au jeudi entre 7h et 9h. Plus tard dans l'émission d'aujourd'hui, on a d'aujourd'hui Nicolas Ducharme. Nicolas Ducharme, Nicolas Ducharme, Nicolas Ducharme. Ben oui, certainement. Nicolas. Hey, relax. OK, excuse-moi. Nicolas Ducharme, d'ailleurs, qui va recevoir Bob Bissonnette. Oui. En prestation tout de suite après notre émission. Ouais, entre 9h et 11h. Donc, soyez là. Mais nous, on va l'avoir en studio ici pendant Assemblage Requis. Oui, oui. D'ici la fin. Oui, exactement. Pour l'instant, on va entendre Final Flash. Voici Welcome to the House. On fire. La, la, la, la, la, la. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait jouer. À la radio. Ouais. I believe the world. Assemblage requis est une présentation de la Banque nationale et du service aux étudiants de l'UQTR. Than was safe. Take what you want from me. I'm not afraid to turn around to see you by my side. Hey, I felt pretty when they turned out the light. I didn't know just what was going on when all my guts were telling me to run. Stop around when I should have been there with you. And after all that we lost, I swear I'll never let go. Steel Train. Avant d'entendre c'est le bon, groupe... C'est très, très bon. Je te bravo, souviens. Mathieu. Ben, merci. Félicitations. T'es super, c'est super excellent. Ben, bravo. Ben, c'est, merci. C'est fini? Oui. Okay. Donc, Steel Train, avant de l'entendre, j'étais sûr que c'était un groupe de rock. C'est genre Steel Train. mais non, ce n'est pas ce genre non, de groupe-là. Non, non. Non, j'ai entendu ça à Conan, le talk show, avec Conan O'Brien. Non, c'est bon. C'est j'ai excellent. Vraiment adoré. Ouais, ça aurait été mon coup de cœur de la semaine si ça avait été... une chronique de Stéphanie en ce moment. Mais ce n'est pas. Mais ce n'est pas. Et donc, je l'ai fait jouer quand même. Bon. Parce que moi, l'affaire d'attendre, là, pas l'affaire de même. Faut que ça joue, ça. Hein? Pas chouette. Bullet est le nom de la pièce de Steel Train. Voilà. Vous êtes Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées, l'émission qui construit votre journée à partir de matériaux de qualité. Ces matériaux-là, aujourd'hui, c'est plus tard. Sont absents. Sont absents. Veuillez laisser un message. Nicolas Ducharme s'en vient tantôt, donc je trouve que ça fait partie des morceaux de qualité. Ben oui, certainement. C'est un nouveau morceau. C'est un morceau qui vient d'être rajouté à la pile d'Assemblage Requis. On a une pile de matériaux. Tout à fait. Dans le Backstore. Qui est bien caché. À la même place où on met les CD francophones et anglophones et Crazy Matt, là. Hey, crazy man! Bon, ben c'est ça. Est-ce qu'on a beaucoup de contenu aujourd'hui parlé? Pas vraiment. Non, pas tellement. Ah, il y a des journées comme ça, t'as vu, il fait très très froid, ça nous a ralenti nos ardeurs au niveau, au niveau mentalement. Oui, mentalement, parce que là... Je voudrais pas trop de détails sur ta vie matinale, mon François-Olivier. Hein? Alors, me lève, c'est tranquille dans ta barouette. Hey, donne-moi ça, cette pile-là. Ça a l'air bon, ce que t'as vraiment. Ah ouais. Tout ça. Donne-moi tout ça. Il me donne comme 15 CD en même temps. Donne-le ça. Tiens, mon ami. Je vais faire jouer tout en même temps. Je t'ai entendu parler de la nouvelle entrée sur le palmarès francophone. Pas Cafard. La semaine passée. Cafard, en effet. Cafard, c'est plutôt bon, je te dirais, moi. Oh ouais, Mathieu Plante qui nous dit ça. Ben, si je le dis, c'est peut-être qu'il faudrait pas se fier trop là-dessus, mais je l'ai fait entendre quand même, vous jugerez. T'as très bien repris. Ouais, mais sinon j'aurais menti. Ouais. J'aurais tout à fait menti. Donc, on va l'entendre Cafard avec la pièce Halogène. Tu te rappelles peut-être aussi de notre groupe qui est sur le palmarès et que tout le monde aime, c'est Weezer. Oui! Ben oui, Weezer avec la pièce Hang On. Je trouve que c'est une très, très, très, très bonne pièce. Et puis, une autre pièce que tout le monde aime. Tu nous fais un sale bloc, là. Je vous fais un bloc de la mort, là. Ça va être génial. C'est la formation Adam. T'aimes ça, Adam? J'adore Adam. Avec Ligne Secondaire. Donc, je te disais qu'on allait faire jouer les trois en même temps. Donc, je me gâte. Avec une pub par le fait même. On est rendu à pub 5. Attends, un peu, pas la pub par-dessus. Ah oui. Non, la pub par-dessus, ce serait trop méchant. Okay. Les trois chansons d'abord. OK. OK. Pas écoutable, hein? Non. Non? Ben, non, c'est un... Mettons qu'on en choisit une de ces trois-là. Imagine avec la pub. On l'entend même non. pas. T'sais. Non. Non. Bon, merci Mathieu. T'en veux juste une? Là, je pense qu'on pourrait aller en pub. Hein? Okay. On va ralentir ton ardeur ce matin, qui a l'air vraiment très... Trop présente. Trop présente. Okay. OK. Puis après ça, on pourrait aller écouter une pièce. Choisis-la. Une pièce. Ça va être trop difficile. De ces trois pièces-là. Elles sont toutes bonnes. Les trois sont bonnes. Choisis la pièce que tu veux. Oh. Puis on va la présenter en revenant. Gâche mon party. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Jusqu'à 9h, c'est fou. 89. Ah, c'est fou, là. Assemblage Requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées avec Info et Mathieu. C'est Assemblage Requis jusqu'à 9h. C'est fou! La folie a eu raison de tes manières. Jouer avec les signaux, intermittents, brûler les dernières réserves. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Hang on au 89.fm, some assembly required. C'est quand je fais mon anglophone, hein? C'est assemblage requis. Hein? C'est... Mathieu Plante International. Worldwide Pence. Et combien de David Letterman? Ouais, c'était Letterman, j'avais Coco dans la tête. Coco, non, ça c'est Team Coco. Team Coco. Inc. Bon, François-Olivier. Mathieu Plante. T'auras reconnu la voix suave et fébrile en même temps de Nicolas Ducharme. Nicolas! Oh. Seamless. Ça fit, là. Vous êtes ça à note, les boys. Moi, j'ai fait mes vocalises plutôt dans l'émission. On m'a entendu faire des la-la-la. La-la-la. Aurais-tu faire les miennes un peu? Je suis rouillé du gargoton ce matin. Ben voilà, ton gargoton, il roule pas aussi fort qu'il devrait. Okay, on va travailler là-dessus d'ici 15 minutes. Là. Tu vas prendre des pastilles Nicolas! Tu connais les pastilles Nicolas? Ouais, on me l'a fait souvent, Ah Mathieu. Ouais, pour vrai, ouais. Je pensais vraiment avoir de quoi d'original c'est ici. C'est toujours aussi désagréable à chaque fois. J'en doute pas du tout. Donc, Nicolas Ducharme de l'inconduit de partie qui a lieu juste après nous, entre 9h et 11h. Exactement. Le chanceux. Oui, ben oui, c'est fun de vous suivre. Je sais que je peux amener vos codes d'écoute vers les miennes. Ça, c'est faire un nouveau sommet. Intéressant. Faire un nouveau sommet, exactement. Depuis que je suis les lundis, là. Ouais, ben écoutez, ce matin à l'émission, on va avoir on a un beau petit line-up, un line-up intéressant. Ce matin, on va avoir du rock dans l'émission et je parle pas des CD que je fais jouer, mais bien Bob Bissonnette, le chanteur qui va se joindre à nous vers 10h, qui va venir nous chanter quelques chansons, on va avoir une entrevue avec. T'es rendu un show de vedette. Ah écoute, j'étais à la limite de recevoir Isabelle Boulay puis de la faire pleurer en onde, là. Mais On attend ça. Pas moi. Donc c'est ça du côté de Bob. Il est en spectacle ce soir à la chasse galerie. Donc, on le reçoit ce matin. On va pouvoir parler de multiples choses. Ben oui, c'est le fun. Puis, ce qui est le fun avec Bob aussi, c'est que c'est un gars qui est... Tu sais, t'as terminé ta carrière de hockey. Il y en a qui, une fois qu'ils ont fini leur junior majeur ou qu'ils ont fini de jouer professionnel, sont écœurés ben comme faux. Dans son cas, toutes ses chansons ou presque parlent de sport, parlent de hockey quand on était jeune, parlent de hockey aujourd'hui. C'est vraiment de quoi de nouveau, un peu, je peux dire. C'est quelque chose, son album, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vraiment vu dans le paysage québécois de la musique. Où est-ce qu'on mêle deux sujets, deux passions en même temps. Et très hâte d'entendre ce qu'il y a à nous dire à travers tout ça. En part de ça, on est lundi, donc c'est la chronique soccer avec Philippe Doucet. On va parler des Patriotes qui ont mangé une reine vendredi soir. Ils ont perdu. Côté Gigi's de toi, pas juste perdu, c'était une dégelée de A à Z en incluant les lettres grecques. Vraiment, c'était dominé de bout en bout par une équipe, les Gigi's, qui sont corrects sans plus. C'est pas une grande force. Non, mais on s'est fait... Côté des Patriotes, un joueur qu'on a approché durant l'entre-saison et qu'on a bien failli recruter, qui est venu hanter les pattes solidement. Donc, ce qui fait qu'on a, du côté des Patriotes, on y a goûté. On va parler aussi de... on va parler des séries de la NFL, que ça se continue hier. Les Patriotes? Les Patriotes qui sont... Tabarouette. On passe d'un Patriote à l'autre. Donc c'est pour ça? Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre qui l'ont échappé T'as perdu 20$, moi. Non, je comprends. Moi aussi, je l'avais pas vu venir. Elle m'a dit j'étais 3-3 dans ma fin de semaine et c'était le match que j'étais le plus sûr. Ben ouais. Et c'est le match qui m'a fait tomber de ma chaise. En plus, les Patriots, je suis un fan de cette équipe depuis longtemps. Il me reste mes Packers. C'est pas mal tout pour les séries. Mais ça se continue. Et c'est tellement fun, le hockey. Le hockey, oui. Le football de la NFL. Comment ils peuvent avoir un gros spectacle à travers ça. Ouais, mais comment ça. Que pendant deux jours, samedi, dimanche, ce n'est que la NFL partout dans les médias sportifs. Félicitations à eux, je veux dire. Grosse machine. Félicitations à la machine de la NFL qui est toujours aussi performante. Par de tout ça, on a quoi d'autre à l'émission? On va parler de... hockey junior majeur, les Cataractes qui l'ont emporté hier face aux Olympiques de Gatineau. Grosse victoire du côté des Cataractes. On sait que les Olympiques sont en route. On essaie d'aller chercher le championnat cette année. Donc, une victoire de 4-3 en fusillade. On devrait parler avec Jonathan Roberge de l'Hebdo du Saint-Maurice. Qui va venir nous causer des cataractes. C'est pas mal ça pour l'émission. Là. On s'est gardé du lousse. D'un coup, Bob commence à nous chanter 5-6 chansons. On se met à danser dans le studio en chantant a cappella. Donc, on verra ce que ça va donner. Le filet est évoqué, c'est le temps encore. Oui, c'est ça. Je vais réchauffer ma voix pour être sur la note. Hey Nick, écoute, j'en profite de ton passage ici à l'émission pour te poser une question. Vas-y. Écoute, je suis tombé là-dessus hier. Qu'est-ce que tu penses de ça, Québec-Montréal? Ah, ok, je te voyais venir. Je sais pas, pour un gars de sport, tu sais... Ben, c'est justement ça. J'ai l'impression un peu d'écouter de la lutte. Mon parallèle est là-dessus. Ok. Du fait que c'est un show, c'est tout le show alentour qui m'intéresse pas. Les histoires personnelles de mon frère a fait ci, puis ma mère est décédée dans j'étais malade, ça. Puis tu sais, je m'en fous. Je m'en fous d'histoires personnelles. Honnêtement, ils ont steppé up au niveau du calibre de hockey qu'il va avoir cette année. C'est ça, le calibre, ça a l'air de quoi? Parce que, écoute, pour être franc, j'ai écouté une partie l'année passée, c'était vraiment pas rapide. Quand t'es habitué, mettons, de regarder les Canadiens à TV, c'est sûr. Tu tombes là-dessus, tu fais... C'est là. Pourquoi? Mais c'est incroyable. C'est ça. Cette année, on va avoir. Il y a deux joueurs des Patriotes qui vont participer à la série, qui vont présenter l'équipe de Montréal. Soit André Joannis, qui est un gros défenseur, qui dans le coin. Là, écoute, il va jouer contre des filles. Là, je le vois pas ramasser une fille dans le coin. Là, Joannis a des grosses épaules, il est gigantesque. Là. Ça sera pas beau. Et le deuxième, Éric Beaudin, ou Patate, comme il l'appelait hier. Ah, Patate, Patate a joué avec les Patriotes. Ah, donc, ouais, dans son cas aussi. Donc, ça en est un autre, mais le calibre a vraiment augmenté cette année. Mais encore là, on est venu faire des équipes et bon, je reprends l'ancien, je reprends. Tu sais, c'est tout un. Comme je dis, c'est un peu comme de la lutte professionnelle au niveau de. Je reconnais que les lutteurs sont des athlètes. Je reconnais qu'ils doivent s'entraîner, qu'ils doivent être au sommet de leur forme pour performer dans un ring. Parce que c'est. Même si c'est scripté, c'est demandant. Et je reconnais que les joueurs qui vont participer à la série Montréal. C'est du hockey, c'est du vrai hockey. Mais d'être amené en prime time comme ça avec tout ce qui est le fla-fla, les feux d'artifice à l'entour de ça. L'aspect téléroman de je te coupe pas, on va faire une demi-heure avec ça, après ça tu vas être dans les 7 jours après ça. Il y a toute la machine québécoise à l'entour de ça aussi qui aide pas à rendre ça plus... qui aide pas à rendre ça. Qui d'un côté rend ça plus visible parce que si t'as pas la machine québécoise, honnêtement, si c'est la machine V, ça marchera pas. Non. OK? Ça, c'est donc, c'est le train québécois qui rentre là-dedans et qui permet de rendre ça. Mais de l'autre bord, en même temps, t'as le fait que c'est la machine québécoise qui nous force ça dans le gargoton. Et bon, écoute, je préfère ça à Star Academy. Là. Oh non, c'est sûr. Que je veux dire, c'est sûr. Mais l'année passée, moi, en tout cas, j'avais le pressentiment que c'était vraiment un flop. J'ai été vraiment très surpris de réapprendre que ça revenait, en fait. Moi aussi, mais je pense que... Ils ont fait des améliorations au niveau de leur formule. Probablement, ça va être 4 matchs au lieu de 8. Donc, pour compenser, pour que ça fasse la saison au complet, là, on a des émissions, la sélection, la présélection, le choix du jackstrap pour chaque joueur, tu sais, ou... il va y avoir des émissions comme ça tout le long, et ce qui fait que on se retrouve avec une saison, mais seulement 4 matchs. Et encore une fois, TVA, juste allumé, c'est une série, ça prend un gagnant, 4 matchs, c'est un nombre pair. Allô? Allô? Ça marche pas sur les deux. Tu fais quoi là, si tu te retrouves avec une nulle après 4 matchs? Là, on va faire des fusillades, tu sais. Ouais, ça va sûrement être ça finalement. Faites 5 matchs, là. Mm-hmm. S'en fout, là. C'est correct, je veux dire, un de plus, un de moins dans ce cas-là. 8 l'an passé, 8 c'était un autre problème. Ouais. Mais là, à 8 matchs l'an dernier, ça avait fini, mettons, 6-2 ou 5-3, je sais pas. Au dernier match, au 8e match, tu savais déjà qui gagnait. Ouais. Fait qu'à partir de là, qu'est-ce que ça donne? Mais tu regardes ça, t'es vu. Mettons que ça non, joue, tout le monde en parle, je vais en même temps. Ouais, non, c'est ça. Je vais l'accrocher. Je vais l'accrocher. Et je sais que je vais l'accrocher. Mais le calibre, toi, il va t'allumer ou il va te dire, crime, c'est vraiment ridicule? Ben, écoute, c'est un calibre qui. Mais tant qu'à qui ça. Se rapproche, écoute, qui se rapproche du junior majeur au niveau force avec des gars pas en forme. Mais c'est ça. C'est des gars qui sont passés leur prime, certains. Écoute, t'as des joueurs de la Ligue nord-américaine, t'as des joueurs qui ont joué universitaire, mais tu vas avoir. T'as des filles. Écoutez, rien contre des filles, mais je veux dire. Non, puis t'as bonne des chance, aussi. Bonne chance, mais là, ben, si la fille réussit à compétitionner, là, on va en faire un show. Oh, la elle défait les gars, les manduels, emmène tout l'enrobage que tu veux à travers ça. Là, ça donne de quoi, là. Tout d'un coup, là, t'as des fans de des petits gars de 10 ans, là, qui trippent sur la fille. Oh, elle est super bonne, tout comme ça. Comme Manon Réaume. Ouais, comme, Manon Réaume, c'est d'autres choses. Elle a pas fait longtemps. Mais Manon Réaume, c'était un stand publicitaire, tout simplement, parce qu'elle était très jolie et c'était dans un endroit où est-ce qu'on développait le hockey. Le Lightning, je pense. Le Lightning de Tampa Bay, qui, à l'époque, écoutez, pour messieurs, si vous saviez pas, jouait à ce qui est maintenant le domicile des Rays de Tampa Bay. Donc, je jouais dans un stade de baseball. On a mis une patinoire là-dedans. En séries éliminatoires, ils ont eu 28 000 personnes un match parce que là, on avait ouvert les gradins. Mais normalement, tu avais la patinoire mise d'un côté avec un côté des gradins et on avait une grosse estrade temporaire de genre 5 000 places de l'autre côté pour remplir la place. Il y a des vidéos sur YouTube de tout ça. C'est super bizarre à voir. Mais on jouait dans le Thunderdome que ça s'appelait à l'époque. Là, ça a changé, Ouais, c'est on joue dans le... Si je me mélange pas, c'est le St. Pete's Time Forum. Qui est un arena à la fine pointe de la technologie. Et Tampa Bay, ça va quand même correct. On critique souvent les foules dans le sud, mais on critique souvent, je trouve qu'on critique à travers. Les foules à Tampa Bay sont encore correctes pour une équipe qui gagne pas. Puis là, il commence à gagner. Ça va déjà un petit peu mieux mais cette année-là. Ouais, mais c'est correct à Tampa Bay. Tandis qu'à Miami, pour les Panthers, ça en est ridicule d'année en année. Tout comme à Phoenix et à... C'est vraiment pas cher. Ben non, ça, c'est sûr. Là. Tu peux pas arriver à demander ce que tu demandes au Sandel. Non, non, si non, tu veux y aller une gang, t'es mieux de te payer un trip en Floride des fois ou à Long Island que de rester ici et d'essayer d'avoir des billets à Montréal à 200$ la paire. Tout simplement. Tu vas être bas, là. Il y a des endroits où ça pogne pas. New Jersey, c'est la même chose. New Jersey, autrefois, il y avait une tempête de neige. Il y avait tellement pas de monde. Ils ont été voir... Les responsables de l'aréna ont été voir tout le monde dans le bol en haut. Ils ont dit, les gars... Descendez parce qu'à la TV, ça va avoir l'air vide. Ouais, c'est ça. C'est vrai ça. Ça avait l'air vide à la TV, mais en même temps, gars, c'est correct que ton organisation, tu as des détenteurs de billets de saison, puis tu as dit, gars, viens t'asseoir sur le bord de bord. Ouais, ouais. C'est correct qu'ils ont bravé le blizzard aussi bien les récompensés à travers le 5000 personnes qu'il y avait lors de ce match-là. Ouais. Bon. Cool. Hey, cool. Merci pour tes vocalises. Ah, mais il n'y a pas de problème. Voilà. La, la, la, la. Bon, Nicolas Duchamp anime l'inconduit de partie à 9h. Tout de suite après. Même chose pour les vendredis, c'est lundi et vendredi, 9h à 11h. Notre bi-quotidienne, bi-hebdomadaire. Où j'avais dit... Non, c'est bon. Octo-mensuel, non. François. Octo-mensuel. Octo-mensuel. Et si c'est une semaine de 10... un mois de 10 semaines? Ce sera une... Octo-mensuel plus... Un mois de 10 semaines? Un mois de 5 semaines, excuse-moi. Je suis allé ça. Ça va longtemps, moi. J'ai des gros... Moi, je suis encore sur le calendrier Inca, hein, donc... c'est pour ça. Moi, le 2012, ça s'arrête là. Là, je dépasse tous mes prêts. Je dépasse tous mes prêts étudiants à ce moment-là. Carte de crédit, ouais. Ah, ouais, tout loadé. Même pas de problème. Triste à maudit, 13 décembre, par exemple. Et calé, non. Tu sais... Acheter maintenant, payer plus tard, là, on va en avoir une coupe de sofa là, dans la maison. Ben, ça va être confortable au moins. Ah ouais, pour pleurer, ça va être super confortable. C'est ça. on te retrouve aussi sur la section sport de cifou.ca et sur inconduitdeparti.com. Bonne émission. Ben, merci beaucoup. À tantôt. Nous, on continue, il nous reste très peu de temps. Hey, très peu de temps. On va aller écouter une pièce de New Pornographers. Voici Silver Jenny Dollar. New Pornographers et Silver Jenny Dollar à Assemblage Requis. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Déjà! On se retrouve demain matin à 7h. Ben oui, tout à fait. Demain matin, grosse émission. On reçoit Nicolas Goyette. On va nous parler du carnaval étudiant. Et puis on a Émilie Gauthier avec sa collègue plein air. Veux-tu sortir avec moi? Restez sur nos ondes plus tard aujourd'hui. Bon, l'inconduit de partie est à 9h, vous le savez. C'est après. Ensuite, il y a le dîner de con à 11h avec Danny Janvier. Oui. Après ça, c'est un bout de bon vieux. Vous les avez ratés, alors on les revoilà. Les betteraves hurlantes à 13h, on se la joue à 15h, la saveur du moment à 17h. Et après ça, on est de retour en direct avec le voyage insolite à 19h et du rap avec Où c'est blanc, Où c'est noir à 20h. Donc soyez là et allez voir le cif.ca pour l'horaire complet. Allez voir aussi assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et pour télécharger la balade aux diffusions de l'émission à tous les jours. Tous les jours. Les nouvelles de Radio-Canada s'en viennent. Passez une excellente journée. Même chose pour toi, François. Même chose pour toi, Mathieu. Et à demain matin dès 7h. Demain matin, 7h. Demain matin. Il va faire plus chaud. Ah ouais? C'est ce canon. Le soleil vient de sortir, là. Ouais. Il est cute. Il est atteint. Ouais. Il est belle comme quand je dessinais quand j'étais jeune. Il y a des petites lunettes de soleil. Des rayons. Oh. Sur les ondes de C'est fou, voici maintenant le bulletin de nouvelles de la première chaîne de Radio-Canada.